J'aime le théâtre. J'ai dû l'aimer dès mon berceau, car si loin que fouille ma mémoire, je ne me souviens pas d'avoir vécu un seul jour sans l'aimer. Toute petite, mes adorables parents m'aimaient déjà, comme je les en remercie. Il y a des êtres qui aiment le succès, qui aiment la réussite ou l'art pur. D'autres aussi voudraient que le théâtre fût le temple de la justice et de la perfection terrestre. Moi, j'aime le théâtre tel qu'il est, avec toutes ses incohérences, ses poussières, ses émotions magnifiques et ses potins pour concierge. J'aime les répétitions obscures où le petit texte tapé à la machine devient par miracle quelque chose de vivant. Je l'aime par tous les bouts. Dès que j'en sors du côté coulisses, j'y rentre par le côté public. Je prends une place bien près de la scène pour bien voir les acteurs et là, je passe une soirée bénie. Un beau jour, un très beau jour de ma verte jeunesse, l'occasion va à passer près de moi, son unique cheveu planté droit sur la tête. Je fis connaissance d'un directeur de province qui consentit, presque par plaisanterie, à me laisser jouer un tout petit bout de rôle sur son théâtre dans une comédie de Pierre Wolfe, Le Ruisseau. Je vois nettement tout cela comme si ça datait d'hier, le soir où j'eus l'heure pour la première fois d'entrer dans son théâtre côté pile. J'étais gonflée de joie. Il était 8 heures. Je venais voir mon billet de service annonçant la répétition du lendemain. Dans le foyer mal balayé, au-dessus du tableau de service, un bec de gaz brûlait à ras de bec. Au-dessous, assise sur une vieille banquette, une habilleuse, pauvre et déteinte, plus vieille encore que la banquette, me regardait. Ça sentait, je sais pas, l'urinoir et la vaseline. Je saluais l'habilleuse comme j'aurais salué la reine d'Angleterre. Et elle me dit sans malice, « Vous êtes dans Le Ruisseau ». Eh bien, ce soir-là, nous ne parlâmes pas plus avant. Le premier personnage que j'ai joué s'appelait Carton. Après, le nom me resta, sans qu'on y fît attention, et mon directeur, quand je m'appuyais 2 pannes dans la même soirée, prit l'habitude de m'afficher 1 fois sous le nom de Pauline et la 2e fois sous le nom de Carton, espérant ainsi abuser par la ruse les messieurs et les dames myopes ou imbéciles qui ne m'auraient pas reconnu et leur faire croire à l'existence d'un personnel abondant. Le Carton confia à mes soins débutants était au second acte du Ruisseau une fille de joie racolant des clients dans une boîte de nuit. Agrémentée de bas à jour, d'un col Claudine et d'un coquin de petits chapeaux de traviole, je crevais de peur parmi les 15 autres utilités peuplant la boîte et j'offrais l'aspect rassurant d'une orpheline de l'asile en train de renouveler sa première communion. Je dois dire que si moi je ne représentais pas grand-chose, mes camarades figurants, eux, ne représentaient rien du tout. Or, tandis que les vrais acteurs de la troupe détaillaient leur vrai rôle, nous, les miteux, les obscurs, les sans grade, nous étions chargés de créer l'ambiance. Il y a chez les spectateurs une puissance d'imagination à laquelle on rend trop rarement hommage. Donc, vers 10 heures, le second acte commença et le rôle de Carton entra dans le bain. D'une voix jugulée par l'angoisse, j'émis des sons que mon trac vidait de leur sens, le bras passé avec cynisme autour du cou d'un très long garçon maigre qui jouait un rôle de petit bossu. J'avalais bravement une tranche de pain d'épices qui jouait un rôle de beefsteak et je vécus avec ivresse mes premières minutes sur une scène, d'inoubliables minutes qui tenaient du rendez-vous d'amour, du plongeon en pleine mer et du verdict de mort en cour d'assises. Les spectateurs, heureusement absorbés par d'autres pensées, me traitèrent par le mépris et la môme Carton sortit de l'arène sans avoir écopé de la moindre injure. Et comme grâce au Dieu, ce bonheur passait mon espérance, je me mis à danser derrière la toile de fond. Dès mes premiers jours de service, de menus événements troublèrent nos spectacles. Un décor resta accroché à une frise, des acteurs manquèrent leur entrée. De gracieuses débutantes n'accordèrent qu'une attention secondaire aux efforts artistiques qu'on attendait d'elles. Des jeunes prétendirent détrôner les vieux sans avoir marqué le pas. Des accessoires se révélèrent inutilisables et le souffleur ne souffla pas. Alors les vétérans levèrent les bras au ciel et dirent « C'est la première fois que je vois ça ». 60 ans ont passé depuis. De jeunes femmes égarées continuent de sourire quand on leur dit « Vous pleurez, Gisèle ». Des toiles de fond se trompent de plan. Les plus de 50 ans s'offusquent toujours de l'arrivisme des moins de 25, lesquels s'indignent de la ténacité des plus de 60, et le souffleur continue d'articuler avec intransigeance quand on n'a pas besoin de lui et à se plaire dans le silence dès qu'on flotte en pleine détresse. Ce qui, tout compte fait, à côté d'une amnésie de chirurgien ou d'une distraction d'aiguilleur, n'a vraiment pas beaucoup d'importance. J'étais, inutile de vous le dire, pleine de zèle, de foi et d'amour, mais j'ignorais tout de mon métier. Aussitôt, tous les êtres vivants qui en étaient le plus incapables se mirent en tête de me l'apprendre. Dès le lendemain de mon début, 20 personnes se mirent donc en tête de me donner des conseils, comme si j'allais mourir faute de soins. De 9h du matin à minuit, on nous accablait, moi et les autres petits, de formules périmées et dangereuses. Si nous esquissions un mouvement au cours d'une réplique, une voix jaillissait de la salle noire. « Ne parlez pas en marchant !» Notre diapason glissait-il vers un peu de naturel involontaire. « Ne laissez pas tomber !» criait le patron. La docilité était notre refuge. Vous ne pouvez pas concevoir le degré d'autorité du metteur en scène maître avant Dieu sur son navire. Quand il a du génie ou même du talent, la vie entre avec lui dans la pièce qu'il monte. Mais en revanche, quand il s'égare, toute la Pologne est égarée. Il est bien connu qu'au cinéma, les tout petits enfants et les animaux rutilent d'excellence. Ah, évidemment, sans effort, ils mettent dans leur poche les plus aimés d'entre les stars. Et savez-vous pourquoi? Pourquoi ils connaissent et conservent de l'équateur au pôle cette incontestable supériorité? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que dit le metteur en scène. En effet, si un bébé de 11 mois ou un caniche pouvait saisir les finesses du langage articulé, nul ne parviendrait à empêcher le cinéaste d'enseigner à l'un comment on aboie et à l'autre comment on tète. J'en étais là de mes joies et de mes travaux quand on monta le tour du monde en 80 jours pour les fêtes de Noël. Le tour du monde était monté avec faste. Il y avait de beaux costumes, il y avait des décors brossés de frais, une distribution alerte, un tas de danseuses, des figurantes et un éléphant. La troupe dans laquelle je balbutiais comportait de fort bons acteurs, d'autres médiocres, plusieurs au-dessous de tout, et moi au-dessous vraiment de tout le monde. Avec équité et sagesse, on m'avait distribué le dernier rôle entre toutes les femmes, sous le nom, trop vague à mon gré, de « Une esclave malaise ». Je représentais à moi toute seule toutes les indigènes de Malaisie. D'autres sites se glorifiaient d'une population plus dense, mais pour la Malaisie, il y avait juste la reine et moi. Brandissant haut un émouchoir de plumes peintes, j'étais juché à l'angle du trône royal où siégeaient ma souveraine et ses invités durant tout le grand ballet, une fête en Malaisie. On voyait dans ce ballet une équipe de danseuses portant des paniers de fleurs, les posant à terre, les lançant en l'air, tournant autour, les abandonnant, venant les reprendre et finissant par les emporter. J'avais à dire, en tout et pour tout, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer? Or, le directeur de théâtre, celui de la tournée, qui louait le matériel et qui amenait les danseuses, l'administrateur de celui-ci et notre régisseur, ne sentaient pas de la même façon. L'un me disait, voilà, alors vous levez la draperie qui est à l'entrée, retenez-la dans votre bras gauche et sans attendre, prosternez-vous, le bras droit tendu en demandant respectueusement, la reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer? « Non, non !» interrompait le second le lendemain. « Non, non, vous n'y êtes pas. Repoussez le rideau. Lâchez-le. Descendez carrément et dites d'une façon très naturelle, « La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ?»« Ce n'est pas ça du tout !» réclamait le troisième qui voyait grand. « Vous retenez la draperie à deux mains, comme si elle était très lourde. Vous la laissez retomber après le passage de la reine d'un geste large et harmonieux. Vous désignez le foyer disposé sur l'autel et vous clamez à pleine voix, comme dans une cathédrale, « La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer ?» Moi, je répétais ma phrase dans tous les coins à vide. Et le soir de la première arriva. Après un changement au noir, peuplé de machinistes bondissants, je m'avançais, flasque et troublé, les bras idiots, et j'ai mis ma phrase n'importe comment dans l'indifférence unanime. La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer? La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer? La reine ordonne-t-elle que je prépare ici le foyer? La musique de scène couvrait totalement mes paroles. Le foyer était un petit fagot de chez l'épicier. Et il n'y avait pas de draperie. Après ce début glorieux, le patron, comblant mes espoirs, me garda, à l'œil bien entendu, pour tenir les utilités en double et avec partage. Des rôles m'échurent. Ils étaient laconiques, mais innombrables. Toutes les panoufles dont ne voulait pas la femme du régisseur ni aucune des autres dames présentes m'étaient réservées sans conteste. Y avait-il dans une pièce une cuisinière demandant « Madame, déjeunera-t-elle ce matin ?» et disparaissant à jamais, c'était moi. L'auteur avait-il prévu une invitée sourde et muette, une voisine criant « Vive la mariée !» ou un vendeur de journaux traversant le troisième plan, c'était moi, c'était moi, c'était moi. On est joué, Seigneur, de ces bonnes de vaudeville qui annoncent un visiteur et qui s'effacent avec une agilité d'acrobate entre un bras de fauteuil et une sellette pour permettre aux joyeux drilles d'entrer d'un seul élan à la vitesse d'une trottinette. Souvent, la phrase pour signaler l'arrivant était « Monsieur, il y a là un monsieur qui demande à parler à monsieur ». Je me rappelle que nous étions corrects avec les civils et extrêmement provocantes avec les militaires. Nous disions « Bien, monsieur » au clerc de notaire, et nous disions « Mais tout à votre service, mon capitaine ». Alors, le militaire nous prenait la taille. Si c'était un gradé, on s'esquivait en riant d'un rire argentin. Si c'était un soldat de deuxième classe, on lui envoyait une gifle qui claquait vite d'un bruit impossible entre l'ébattoir de la souffleuse. Voyez comme tout ça était simple. Je jouais aussi les deuxièmes ingénuités des secondes. Ça veut dire que lorsqu'une pièce comportait plusieurs jeunes filles, on me confiait la troisième. Je mettais une perruque blonde, un corset, un frais corsage, je prenais l'air le plus idiot que j'avais de coutume et je disais « Ah, monsieur Paul, il faut demander maman à papa ». J'en étais là de mes joies immenses et je jouais la comédie que je dis depuis 6 ou 7 semaines quand au beau milieu de mes ébats ancillaires, le directeur me campa un rôle important. Vous croyez peut-être que c'était un rôle de bonne parlant davantage ou une vendeuse de magasin ou bien enfin 30 lignes dans un ensemble, mais pas du tout. C'était une mère noble dans un drame. Une terrible duchesse aussi noble et aussi mère que faire se peut. Une embêteuse grande comme une tour, bavarde et bénissante, une digne créature en jupe à falbala qui comptait 600 lignes, qui embrassait tous les personnages sur le front et qui poussait le cri de la dame qui s'aperçoit que sa fille adoptive est la vraie fille de l'assassin de sa sœur de lait. J'étais aussi incapable de trouver ce cri, moi, que de chanter Carmen. Si un sadique armé d'une loupe avait cherché dans le théâtre mondial un rôle dont pas une syllabe ne peut me convenir, il aurait certainement trouvé celui-là. Néanmoins, ce fut sans trembler, comme sans ironie, que le régisseur me remit l'épaisse liasse de papier où s'étalait en ronde une cause célèbre, la duchesse et au crayon, dans un petit coin, Pauline. Disons tout, mon début dans le drame ne fut pas un triomphe définitif. La première personne qui se paya ma tête fut ma mère. Elle s'était assise au premier rang et elle attendait les événements. Dès qu'elle eut perçu mes premières répliques que je parvins à risquer sur un ton fou, d'une voix que la panique rendait minuscule et tremblotante, elle se mit sereinement à pouffer de rire. Mon texte délayé tournait dans ma tête et les cuirs naissaient d'eux-mêmes sous ma langue. Je me souviens qu'au quatrième acte, bien accoudé dans un petit fauteuil d'osier, aussi déplacé que moi-même dans cette affaire, je trônais dans un conseil de famille. « Oh là, quelqu'un !» cria le duc. « Allez, la fleur, venez, Julie !» Comme d'habitude, moi, je jouais les domestiques. Je crus que c'était à moi que ce discours s'adressait et je me précipitais sur mes pieds et me campais devant mon noble époux dans l'attitude bien connue du maître d'hôtel qui attend la commande. La bataille de Fontenoy embellissait par sa présence tout le second tableau. Seulement, il ne se trouvait que 2 figurants, dont l'un se grattait tout le temps. Le duc, qui jouait avec toute sa conscience, arpentait le champ de bataille devant les 2 pauvres types. « Mes enfants, le roi est content de vous. » Je me suis toujours demandé pourquoi le roi n'était pas venu, puisqu'il était si content, parce qu'au moins il aurait fait nombre. Le chevalier, la jeune fille et moi n'avions pas 60 ans à nous trois, et en revanche, le duc en avait 75 à lui tout seul. Pauvre duc, il rata son entrée de 2 bonnes minutes. Pendant qu'on courait le chercher dans sa loge en criant, nous étions en scène, nous avions l'impression d'entendre une famille de chameaux qui galopaient sur un pont de bois. Nous tâchions, faibles adolescents en détresse, nous tâchions de meubler le silence, de dire n'importe quoi. L'action se passait, figurez-vous, à Toulon et sous Louis XV. Et moi, je dis, quelle inspiration! Ah, chevalier, quel beau département que le département du Var! Le peuple, encore plus égaré que moi en géographie historique, demeura froid et le duc entra en courant. Seulement, en entrant, et en entendant parler du département du Var, il eut l'impression « ça n'est pas à moi » et il ressortit aussitôt. On vit alors le chevalier, la duchesse et ma propre fille bondir sur ses traces et le ramener de vive force sans aucune espèce de cérémonie. À la fin, tout se tassa tant bien que mal. Le chevalier épousa la jeune fille et le vieux serviteur, dans l'explosion de son allégresse, jeta son chapeau en l'air. Le chapeau retomba d'un côté, la plume de l'autre et le rideau en fit autant. fallu bien un peu de temps pour comprendre que mon directeur était riche et que mes camarades ne l'étaient pas. On blâme souvent sous le nom de cigales les acteurs qui ne font pas d'économie. Mais voyez-vous, quand on cherche à vivre d'un métier où un nouvel engagement fleurit chaque semestre, où l'on n'est guère jugé que sur la mine, il est prudent et sage de dépenser pour une cravate le salaire de deux journées. Quand la destinée vous trimballe, vous et vos hardes, jusqu'à ce que mort s'en suive, de Lille à Montpellier et de Metz à Narbonne, si vous ne cumulez pas, par une heureuse coïncidence, l'emploi de comédien avec celui de déménageur, vous devez renoncer au luxe de posséder un lit ou une armoire. Dans notre troupe, il y avait un père noble. Un père noble au regard tombant sous la paupière lourde. Le jarret cambré, sensiblement plus démodé que Mathusalem, et bénissant et haletant fort bien. Un jour, il connut un grand bonheur. Dans le Bossu, notre Lagardère, étant tombé malade, il en hérita vers 8 heures du soir et il se mit à rajeunir de 30 ans. Voulant prouver aux foules qu'il n'avait rien perdu de sa jeunesse d'antan, il sautait, il tirait l'épée, il frétillait, il se cognait dans les meubles, il agitait les bras et il bouleversait le monde. Quand il nous rencontrait parmi ses galopades, collés au mur par la prudence la plus élémentaire, il nous disait à mi-voix, « Voilà, voilà comment ça se joigne mon temps. » Au tableau dit des fiançailles du Bossu, alors qu'un notaire, qui est toujours joué par un figurant, qui a toujours une gueule inouïe, une perruque en mêlée, une robe trop longue et qui se fait régulièrement accueillir avec la plus franche allégresse par les spectateurs, alors dis-je qu'un notaire incroyable offre à signer des paperasses révoltantes d'invraisemblance le beau Lagardère, travesti en Bossu, virevoltant comme un maître de danse. Il accrocha une console qui tomba sur un canapé, lequel entraîna une table qui ne s'abattit qu'après avoir écorné une chaise, et le fringant Lagardère se trouvant entouré de débris de meubles et de jeunes galopins dont j'étais qui lui riaient effrontément à la figure. Le premier fou rire que je subis en scène se passa sous un matelas. Les Misérables avaient été montés assez mal. Cosette était un garçon de 10 ans, musclé et hargneux. Notre Fantine était une artiste au cachet, venue pour ce jour-là maigre et désabusée et qui parlait dans une tessiture artificiellement basse, entraînée pour l'alexandrin. Elle savait très mal son agonie. Elle m'avait posté, brochure en main, sous son lit. J'étais à plat ventre, la tête au-dessous de sa tête, cachée par le drap tombant. Elle vagissait quelques adieux à cette terre. Elle tendait le cou comme une gargouille. Moi, je lui envoyais un petit paquet de répliques déchirantes. Elle se relevait, égarée, elle les lançait d'une voix d'outre-tombe, et puis elle se rapprochait vers le sol. Nous serions arrivés très bien à la fin de l'acte si Sœur Simplice n'était pas arrivée du côté de mes pieds. Mais par malheur, elle vint à passer devant moi et m'apparut dans toute sa gloire. Sœur Simplice, qui comptait à peine 18 ans, n'avait pas à la dernière minute trouvé son costume de religieuse. Elle s'était, au mieux de nos ressources, improvisé une tenue. J'avais eu vent de la chose sans plus, et lorsque je la vis monacalée douce, raser le sol, vêtue d'une jupe noire à moi qui flottait derrière elle, et d'un capuchon de sergent de ville, je me mis moi à rigoler d'une façon idiote. Je fis chavirer le frêle matelas, et je me trouvai aplati entre le matelas et le plancher, avec la brochure sous le nez et la fendigue sur le dos. Puisque vous voulez un décor gai, vous dit le chef machiniste, d'un patelin près de Montauban, je peux vous donner un très bel intérieur de boucherie avec des bêtes ouvertes et des charcuteries qui pendent. Ce décor gai, nous l'avions demandé pour une pièce bien parisienne où une jeune mariée se couchait pudiquement au deuxième acte dans un lit Louis XV aux accents lointains d'une valse langoureuse. Pauvre mariée, nous l'avons vue se mettre au lit successivement dans une salle d'école, dans une sombre galerie du XVIIe siècle connue sous le nom de Molière, dans des salons bleus et limés dont la toile s'effilochait et devant de mystérieux amalgames de colonnades et de jardins peints pour l'éternité. Pendant des mois et des semaines, nous avons trimballé cette jeune épousée et sa chambre nuptiale dans tous les départements. C'étaient les décors dont on avait besoin qui manquaient le plus. Tantôt, c'était une prison où l'incarcéré déplorait sa captivité entre des portants espacés par où il aurait pu s'évader en dansant la farandole et en emmenant tous les autres prisonniers avec lui. Tantôt, une chambre de bonne, en papier décollé, meublée de sièges tremblotants, au milieu de laquelle la vertueuse jeune fille qui aime le marquis de Villemer soupirait avec amertume. « Le luxe qui m'entoure ne m'appartient pas. » Les éclairages étaient capricieux. Ainsi, notre chaste petite mariée, dont je vous parlais tout à l'heure, devait au deuxième acte pudiquement se glisser dans son lit bleu pâle, à la blanche lueur d'un beau clair de lune. Ça a l'air tout simple, vous savez, un rayon de lune. Mais pour obtenir ça dans des villes de moins de 15 000 habitants, c'est dur. Certains soirs, le rayon de lune sortait péremptoirement d'une porte entrebâillée et lui tapait crûment dans l'œil. D'autres fois, il se glissait de biais par la fenêtre, il faisait des ombres portées sur le ciel et il s'accrochait à son épaule ou à ses pieds. Dans un petit pays, l'électricien nous avait juré qu'il était un as et que nous n'aurions pas à nous plaindre. Et la scène d'émotion, une fois arrivée, nous voyons l'ingénue qui devenait verte, jaune, bleue, rouge, sous un projecteur pour danse serpentine. « Mais pourquoi faites-vous ça ?» avons-nous crié à l'électricien en volant vers lui. « Parce qu'elle se couche, » nous répondit l'as consciencieux. Le lit Louis XV apportait aussi sa part d'inquiétude. Une fois des traverses de bois ayant été oubliées, en disposant le matelas, la mariée, visée par le sort, s'enfonça dans ses dentelles comme dans un bain de siège. À chaque geste, elle baissait de plusieurs centimètres. Finalement, elle jouait les dernières répliques attendries, assise par terre et les pieds en l'air, en tendant le cou comme une girafe pour tâcher d'apercevoir encore quelques spectateurs. Ce lit Louis XV que nous montions et démontions dans chaque ville nous causait mille tourments. Dès le quatrième jour de voyage, il creva la caisse où on le rangeait en descendant trop brusquement d'un fourgon. C'était un dimanche près de Bergerac. Pas de menuiserie ouverte. Notre camarade s'occupant de régie étincelait d'ingéniosité. Quel est le fabricant de caisses qui travaille même le dimanche? Mais c'est le marchand de cercueils. Et nous continuâmes la tournée suivie par une énorme boîte rectangulaire dont les vis apparentes et les poignées funèbres médusaient les employés de chemin de fer. De tous nos fardeaux, c'était la musique qui nous causait le plus de tintouin. Pendant tout l'acte du soir du mariage, on entendait par intervalles, dans le lointain, des airs de danse du bal de noces. C'est moi qui tapais sur le piano. J'en jouais assez mal, mais les morceaux que j'avais exécutés n'étaient pas très difficiles. Ce qui était difficile, c'était d'avoir un piano à une place normale et d'obtenir que ce piano ne résonne pas comme une poêle à frire. Dans les grandes villes, nous nous relevions d'un quintet local. Alors ça, c'était plus riche mais plus dangereux, car les musiciens comprenaient rarement bien les signaux de départ et d'arrêt. Je n'ai jamais su si c'est la plaisanterie ou l'erreur qui furent coupables à Bruxelles d'un changement de partition. Le fait est que ce soir-là, les mariés se parlèrent divinement d'amour et de pureté au son de la marche de Saint-Brémeuse, ce qui les priva tout net de leur gloire coutumière. Que j'ai eu la joie d'approcher de la plus étonnante troupe de drames que j'ai jamais contemplée. Jusqu'à mon heure dernière, je regretterais de n'en avoir pas fait partie. C'était, avant la guerre et avant l'avènement complet du cinéma, une troupe de baraqueux qui jouait en plein vent sur la place publique de Saint-Raphaël. Ils étaient quatre. La jeune première était en même temps jeune seconde et duègne et tout, car elle était seule. Les trois hommes jouaient tout, tout le monde. Ils se multipliaient, ils s'accrochaient des barbes, ils sortaient à droite sous les traits de l'abbé Faria, rentraient à gauche muets en amoureux ou en farouche corsaire, avec une conviction, avec une fraîcheur dans l'illusion et un courage qui aurait attendri un roc. L'ingéniosité de ces acteurs, leur hardiesse dans la simplification tenait du génie. Ainsi, dans Monte Cristo, qu'à eux quatre, ils nous jouaient bravement en trois soirées comme au temps de Dumas père et allez donc. La fille de Villefort, qui était jugée superflue mais non supprimable, était représentée simplement par une chaise dépassant de la coulisse et recouverte d'une jupe. Le sombre Villefort, il parlait pointu et il jouait amer, en était quitte pour couper son discours paternel de « Non, ma fille, tais-toi, non, ou ne me réponds rien, je sais ce que tu vas me dire ». Et en somme, tout se serait très bien passé si les camarades n'avaient pas oublié de retirer la chaise de la coulisse, si bien que le pauvre Villefort, fatigué d'en être à son sixième ou huitième rôle, oublia absolument ce qu'il venait de jouer et ce que venait de jouer ce meuble, et sans façon, il s'assit dessus pour attaquer la scène suivante. Je me rappelle un tableau sur la retraite de Russie. Des draps blancs figuraient la steppe, Et à notre vive surprise, un panier à salade pendait haut au milieu de la scène, exactement comme une suspension de salle à manger. La ficelle qu'il tenait passait visiblement par deux pitons. Les acteurs avaient déjà défilé plusieurs fois, le pas lent, parlant de la Révolution, parlant de la Bérésina, parlant de l'Empereur, quand pour notre joie, le maréchal Ney entra, tenant dans sa main l'autre bout de la ficelle, agenouillé près de sa fiancée, fiancée héroïque, qui n'avait pas hésité à le suivre dans les glaces de Russie. Il lui mit très tranquillement, avec abnégation, son dolman sur les épaules et lui parla d'amour. « Ah, qu'il fait froid !» disait la fiancée en grelottant. « Oh oui, bien froid, ma bien-aimée !» répondait le maréchal Ney. Et se disant, de sa dextre cachée derrière le dos, il tirait de grands coups sur la ficelle, et le panier à salade, valsant au-dessus d'eux comme un encensoir pris de folie, leur déversait sur la tête des petits bouts de papier qui représentaient la neige. Comme ils jouaient au canevas, le style qu'employaient ces artistes était un aimable mélange de romantisme appris par cœur et de bonnes franquettes improvisées. « Ah ah !» disait un sagace conseiller à un usurpateur en pleine révolte. « Vous voulez mettre votre séance sur le trône du grand-duc, mais prenez garde, vous n'y trouverez peut-être qu'une couronne d'épines. »« Monseigneur !» disait Horatio, « je vous donne cette épée pour combattre le prince Hamlet, dont la pointe est empoisonnée. » Ah, le brave Hamlet. Il avait sur la tête un béret de chasseur alpin, avec, ça je ne vous mens pas d'une syllabe, une bande velpeau disposée en croix. Polonius, vêtu en fossoyeur, s'enterrait lui-même, et Ophélie, qui jouait aussi la reine, bien entendu, révélait sa folie en jetant en l'air des feuilles d'eucalyptus et en balbutiant avec un sourire égaré. « Oh, bonne mère, combien que je vois d'oiseaux !» Les œuvres les plus rebattues connaissaient avec eux un joyeux nouveau. « Je vois dans vos discours poindre une petite oreille d'ornard, » disait Lothario, « dans Mignon fille de Carmen. » Ce Lothario portait une robe de chambre de femme, il portait une barbe en ouate hydrophile et un fez sur la tête. « Fais donc chanter Mignon avec ton luth, mais je n'ai pas de luth. » »« Eh bien, avec quelques bonnes paroles, » disait Willem Meister, sans rire. Quand on arrivait à l'emplacement d'un air connu, l'interprète se mettait à le chanter et puis il reprenait son dialogue. « Ah, soupirait Mignon, ah, ça me rappelle ma mère Carmen, la bohémienne, quand elle chantait « Là-bas, là-bas, dans la montagne, Carmen !» répondait Lothario. À la fin, une spectatrice à trois sous, qui avait quelques cultures musicales, se leva et vint réclamer. « Ce Mignon-là, dit-elle, ce Mignon-là, ça n'est pas l'opéra de Gounod. » Dans Notre-Dame de Paris, Esmeralda disait « Oh, vous aimerez ma chèvre !» Et Phébus murmurait passionnément « Je l'aimerais à l'égal de vous !» Cette malheureuse chèvre, censée en coulisses, ne se révélait que par des bêlements que chaque acteur faisait à tour de rôle. De temps en temps, deux personnes faisaient « bé » à la fois. Alors la chèvre devenait un petit troupeau. Leurs costumes étaient nombreux et riches de mystères. Il fallait un effort soutenu de l'imagination pour entrevoir ce qu'ils représentaient. Geneviève de Brabant avait une robe de gommeuse. Méphistophélès portait un costume de bain. Un costume de bain pour vieille dame, vous savez, pavoisé de ganse, d'encre et de volant français. Ce qui, avec la plume au bonnet et l'épée au côté, n'est guère plus incroyable que le Méphistophélès habituel. Dans César Borgia, l'irrésistible Lélio avait cerclé son ventre d'une sous-ventrière de cheval. C'était, il faut l'avouer, un artiste en représentation. C'était un type du pays qui, dans le civil, cumulait l'emploi et l'allumeur de bec de gaz et de regonfleur de bicyclette. La soirée de César Borgia est restée à mes yeux comme une des plus belles. D'abord, vu l'automne, elle eut lieu dans un café, à Fréjus. César Borgia rutilait de dorure. « Si fort que je sois amoureux, dit-il à l'héroïne, je ne me laisserai jamais limer les ongles. » Indifférente à ce manque d'hygiène, le busque aigu du corsage Louis XV pointant au-delà de son petit bidon tranquille, elle le toisa. « Je vous enfermerai dans un souterrain d'où qu'on n'en sort plus, » appuyait-il avec rudesse, « et vous y mourrez de faim jusqu'à ce que vous m'aimiez. » La loyale créature était en train de le repousser noblement quand un homme parut. C'était l'allumeur de bec de gaz, maquillé comme une vieille caissière, habillé en troubadour, plus la sous-ventrière de cheval. Les clients du café l'applaudirent en tant qu'enfant du pays. Il salua, il croisa les bras, Et méprisant, jeta à César Borgia cette phrase qui me sonne encore aux oreilles. « Ne cause pas si fort, espèce de tyran !» Mais vers minuit, le châtiment vint. Après avoir tué l'allumeur de réverbère, qui nous fit la politesse de mourir deux fois, estimant sans doute avoir raté sa première mort, César Borgia, poignardé ou empoisonné, ça je ne sais plus, vit se dresser devant lui les fantômes de ses victimes. « Ah !» râla sa voix d'agonisant, tandis que sa main défaillante montrait la coulisse. « Ah, te voilà donc, Alphonse d'Aragon, mon beau-frère !» Et nous vîmes entrer les trois garçons de café du patelin, une nappe sur la tête, une queue de billard à la main, leurs reconnaissables pieds de garçons de café passant sous le linge et qui marchaient au pas balancé des processions de la fête Dieu. S'il est vrai que le bonheur ne soit que le répit dans l'inquiétude, aucun métier jamais n'y mena plus sûrement que le théâtre. Chez nous, on passe des examens à 58 ans. Excellent stimulant pour rester jeune, devant 20 examinateurs qui sont les critiques et 900 curieux ornés de lorgnettes. Des pontifs, coréolés d'illustres de réussite, sont battus par des débutants pleins de gaucherie, des adolescents sont éclipsés par des dames mûres mais agiles. Un succès peut vous nuire et un four peut vous mettre le pied à l'étrier. Une délicieuse vieille actrice, qui s'appelait Madame Dengrasso, décrocha son plus beau succès à 79 ans. Et maintes stars, dont la juvénile blondeur semait l'érotisme au cœur des collégiens, ont cessé de plaire avant la trentaine. Voulez-vous faire une expérience? Prenez un vieux programme, il y a 15 ans, et puis lisez-le. Et alors, lisez le nom des vedettes, le nom des astres qui faisaient à ce moment-là courir tout Paris, comme on dit. Où sont-ils? Oh, pour un tiers, morts. D'autres persistent encore. Ils sont même un peu rajeunis. Et le reste? Oh, le reste, c'est vrai. Tiens, Tartempion, le grand Tartempion, oui. Il en avait du talent. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il est devenu rien. Où joue-t-il? Nulle part. C'est fini. Ça n'a pas prévenu quand ça allait finir. Personne n'a crié. On ne l'engagera plus, seulement tout de même, personne ne l'a plus engagé. Certains viennent parfois pour nous voir en coulisses. On signale le visiteur, le visité accueille immédiatement un joyeux cri. Oh, quelle bonne surprise, comme c'est gentil à vous de venir nous serrer la main. Les visages vaselinés surgissent des portes. Tiens, mais c'est Tartempion. Alors des débutants crient à l'étouffé. Qui est-ce? Mais c'est Tartempion, vous savez bien. Le créateur de Trucmuche, le grand Tartempion. Les habitants des coulisses s'empressent, imprégnés de cordialité chaude. Mais qu'est-ce que vous devenez? Rien, mon cher. Il y a 9 ans que je n'ai pas joué. Il y a toujours là une petite femme fraîche qui ferait sourire un carme et qui regarde de l'ancienne gloire comme un accident de tramway. Alors on pousse la petite. Dites donc, c'est monsieur Tartempion. Ou bien, maître, je vous présente mademoiselle Tanflûte, oui, qui vous admire beaucoup, dit quelqu'un de zélé. Et il se salue. Seulement, comme c'est la première fois que le nom de chacun vient frapper les oreilles de l'autre, et comme aucun des deux n'a la moindre idée de ce que cet autre peut bien représenter et faire sur la terre, il se taise. On lui demande son âge, il dit son âge, et on se récrie. « Oh non, mais vous êtes formidable !» Alors il sourit gentiment, parce que pour lui, formidable, c'est un qualificatif élogieux. Du reste, sincèrement, on est stupéfié par son âge. Comment ? Il n'a que cet âge-là ? Il y a peu de chance pour qu'un auteur ayant présenté une pièce qu'il a intitulée « La douleur qui sauve », ne s'entende pas dire par le directeur « Vous savez, c'est très valable, votre pièce, seulement le titre est mauvais. Pourquoi est-ce que vous n'appelleriez pas ça « La porte de bitume » ou même « T'en fais pas pourvu qu'on rigole » car vous savez, l'élasticité des titres, c'est inouï. Ne croyez pas non plus que ce faible exemple dépasse en quoi que ce soit les vigoureuses réalités. J'ai fait partie, il y a peu d'années, d'un film qui s'est appelé « 12 ans aux prunes » après avoir été tourné sous le titre de « Les carottes sont cuites ». Et encore, ces deux titres ne sortaient pas de l'agriculture. Mais parmi les centaines, les milliers de titres bizarres qui remplissent les listes de la Société des auteurs, c'est parmi les vaudevilles et les mélos joués en banlieue avant et même un petit peu après l'avant-dernière guerre qu'on trouve les spécimens les plus incongrus. Brave petit théâtre de banlieue. Il luttait vaillamment contre la vogue grandissante du cinéma. Il fallait par n'importe quel moyen forcer l'attention du public. Alors on voyait afficher sur les murs « Vierge Mère à Saint-Lazare ». ce qui évidemment constituait une double calamité. Le roi des poisses, drame au réalisme bien tapé, et surtout des vaudevilles dont l'annonce semblait promettre en polissonnerie bien plus qu'il n'avait l'intention de donner. C'est ainsi qu'on put admirer « On a bouffé le chat de la bonne », pièce assez inoffensive, qui finissait par le décès d'un matou mis en gibelotte. « Qui a fait craquer le sommier ? Un wagon de queue en folie ?» Ou des péripéties extrêmement clownesques mais anodines se perpétuaient dans un train. « Un cuistot dans les nues ou hop, sauter les rognons ?» Œuvre dont j'ignore le détail, mais qui, sans présenter l'ombre de signification, laisse le champ libre à mille badinages. À propos de titre, un courriériste, Arnold Mortier, eut un jour une idée fort ingénieuse. C'est vers les années 80, quand on parlait beaucoup d'ouvrir un opéra populaire pour que les personnes peu fortunées puissent entendre des chefs-d'œuvre lyriques. Alors, ce charmant homme avait pensé que les titres des opéras célèbres sembleraient plus acceptables si on les popularisait un peu. Et il avait trouvé des synonymes assez convaincants. Ainsi, tenait le Barbier de Séville, devenait le Merlan à guitare. Guillaume Tell devenait Mince d'Avresse, la muette gueule de bois. Le Trouvert, le racleur de boyau. Le Cheval de bronze, le tire-fiacre en zingue. Et les Huguenots, les victimes des ratichons. Mais ceci n'est qu'un rêve, un rêve d'ailleurs qu'on pourrait refaire. Je ne vois pas pourquoi, en vue de bonnes recettes, lorsque l'enfant pareil ne s'appellerait pas tout simplement la Varonne à Apollicinelle dans le tiroir. Avant de quitter les titres doubles, je dois vous signaler un vieux drame bien innocent qui s'intitulait simplement « Marie ou l'inondation ». Ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Oui, j'ai bien connu Sacha Guitry. Mais oui, j'ai durant de nombreuses et heureuses années fait partie de sa troupe. Mais non, voyons, elle n'était pas amoureuse. Mais non, je l'aimais beaucoup, ça. Pour mieux exprimer ma pensée, je dois vous dire que je l'aime beaucoup, car vous ne supposez tout de même pas que la mort suffise à supprimer les gens. Sacha Guitry aimait le théâtre. Il vivait pour le théâtre. Il pensait au théâtre. Il se régalait de théâtre et il dormait en rêvant au théâtre. J'ai toujours eu l'impression qu'il était une incarnation du théâtre, transformé pour la circonstance et pour circuler sur Terre en une personne naturelle. Il y a des gens comme ça. Certainement, Saint-Vincent de Paul était l'incarnation bipède de la charité et Sacha Guitry, eh bien, il était le théâtre. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes, ou plus exactement qui croient les adorer. Car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal. Car enfin, Sacha Guitry aimait à dire « Il y a dans la vie des gens célèbres une chose terrible et une chose épouvantable. La chose terrible, c'est d'être reconnu partout. La chose épouvantable, c'est de ne pas être reconnu partout. » Or, il s'y passe un événement encore plus désastreux que ces deux-là. Les pauvres gens célèbres sont en réalité très peu, en tout cas très mal connus. Je défie un monsieur pourvu de gros sourcils noirs de passer jamais pour un monsieur très doux. On ne sait plus affaire à Sacha Guitry une auréole de prétention et de suffisance, de pose. Mais pourquoi ? Nulle part je n'ai rencontré autant de simplicité cordiale et d'entente. Le moindre figurant, la plus faible utilité, avait droit chez lui à la courtoisie la plus délicate. Ce sont des camarades peu importants, mais tout de même ce sont des camarades de théâtre, pas vrai ? Du reste, il fut très étonné quand les délégués de la figuration demandèrent à être désignés désormais sous le vocable « artiste de complément » car ils n'arrivaient pas à réaliser que figurer sur un théâtre puisse être considéré comme une activité abaissante. Sacha Guitry aimait intensément ses amis. Il les aimait avec partialité, avec chaleur. Quand on ne les aimait pas, ils s'en apercevaient et ils étaient très contrariés. Ils cherchaient alors à vous convaincre, à vous gagner à sa cause. Mais si l'on cherchait à dire oui par complaisance, ce spécialiste dans l'art de jouer la comédie s'en apercevait tout de suite et il vous en voulait vigoureusement. Il adorait être entouré. Quand, de 11h du matin à 2h de l'après-midi, la grande galerie de sa maison grouillait de ceux qu'il savait y attirer, il s'épanouissait d'aise et on le sentait terriblement vivre. Les familiers étaient divers, mais je crois sincèrement qu'il n'aurait pas pu éprouver la plus mince affection pour un imbécile. Pour ce qui est de sa soi-disant prétention, sa vanité, chère aux folliculaires, je vous dirais que personne n'a jamais écouté les critiques avec autant de patience et d'attention. La liberté avec laquelle je manifestais devant Sacha Guitry les objections qui me venaient à l'esprit tient vraiment du prodige, sans que rien jamais soit venu modérer ma façon de m'exprimer. Néanmoins, un jour où j'avais la chance de dîner chez lui avec divers convives, un petit morceau de papier désignait nos places à tous, mais sans nos noms, avec simplement une épithète. Mon rectangle papier portait « Celle qui est aisée ». Voyons, vous saisissez, c'est la critique. C'était moi. En vérité, je vous le dis, vous les clients et nous les vendus, nous nous aimons bien. Nous nous aimons de la façon la plus propre à une bonne entente. Nous nous aimons par-dessus un mur. Vous aviez envie de nous voir puisque vous avez payé pour ça. Nous sommes heureux de vous sentir là, car vous flattez notre amour-propre. Nous arrivons galvanisés par le dessein de vous plaire. Vous nous guettez avec des télescopes et par-dessus la rampe. Nous nous mettons à échanger comme des balles de tennis, des efforts, de la compréhension, du don de soi, du rire, de la gratitude et du réconfort. Combien avons-nous les uns et les autres d'amis de 20 ans avec qui nous n'avons pas, durant ces 4 lustres, échangé le quart de toutes ces merveilles? Vos marques d'approbation nous touchent et vos blâmes nous gèlent. De 9h à minuit, quand on a bien capté les bonnes ondes, c'est prodigieux ce que nous pouvons, vous et nous, être ensemble. Mais si, tout chaud d'avoir été liés et plus heureux durant 3 heures, nous avons la prudence, vous ou moi, de chercher à nous regarder de plus près, une affreuse et double déception nous punit. Vous franchissez la petite porte des coulisses et nous vous décevons. Nous vous décevons parce que notre maquillage est laid, parce que nous suons, parce que nos loges, sauf pour quelques altesses, sont des cabines de bain et des lavabos. Parce que les comiques ne passent pas toute la vie civile à éclater de rire, et les ténors tout leur répit à attendre l'âme sœur. La fatigue d'avoir été reluisant nous rejette dans la coulisse en proie au repos animal. Vous connaissez la phalange de pantins cassés des boxeurs sur leurs chaises à l'angle du ring, entre deux reprises. La plus jolie comédienne qui sort de scène et s'assied sur la chaise de cuisine que lui accorde la direction ressemble à ces boxeurs-là, sauf que les soigneurs lui manquent cruellement. Notre sans-gêne vous étonne et vous choque. Vous admettez très bien que des laïcs se contemplent mutuellement en paletot dans une rue et en caleçon court sur une plage. Mais juste à l'heure où vous êtes en grande toilette, notre débraillé vous étonne. Nous vous décevons parce que ce sont les pages de l'auteur que vous venez d'entendre et que vous découvrez à notre langage que nous n'aurions probablement pas été capables de les écrire. Vous nous décevez parce que vous entrez dans nos cases exactement comme dans des moulins. Vous nous parlez, et ça c'est délicieux de votre part, avec l'intimité qu'on a pour des gens dont on connaît bien le visage, alors que nous, nous sommes en train de faire la connaissance du vôtre. Parce que vous vous asseyez sans hésiter dans nos cabinets de toilette, avec un sourire pour jour de l'an, alors que nous n'oseriez certainement pas en faire autant dans la demeure d'un ingénieur ou d'une avocate. Et puis alors, vous demandez en désignant d'un doigt dégoûté les bâtons de fond de teint. Ça ne vous fait pas mal, tout ce que vous vous mettez sur la figure? Sans que l'idée vous effleure une seconde, que si ces produits de parfumerie étaient douloureux ou néfastes, nous passerions évidemment nos jours dans les gémissements et couverts de pustules. Vous nous décevez parce que, bien que sachant que nous ne pouvons guère dormir avant 2 heures du matin, vous nous trouvez bien paresseux quand nous ne nous levons pas dès l'aube. Mais vous avez pour nous une qualité autrement grave, vous nous êtes indispensable. Vous connaissez cette scène de l'oiseau bleu où les grands-parents morts s'éveillent quand des vivants pensent à eux. Nous sommes ces morts. Quand vous ne voulez plus de nous, nous cessons d'être. Un poète sans lecteur est toujours un poète. Un acteur sans spectateur n'est plus un acteur. Si les fleuves, les rivières, les mers et les lacs disparaissaient, la carrière navale serait bien limitée. Vous ne pouvez pas supposer sur le globe aride un officier de marine prenant le quart sur un navire immobile calé entre deux montagnes. Vous ne pouvez pas davantage imaginer un comédien récitant sa portion d'œuvre d'art tout seul sur la place de la Concorde. Quand vous ne voulez plus de nous, il y a un retraité de plus et un cabot de moins. Tant qu'il y aura une bicoque théâtrale où je serai figurante, souffleuse ou régisseur en second, je ne serai pas entièrement malheureuse. Et tant qu'un de vous fera « ha ha, ha ha », pendant que moi j'arriverai, je vous dirai « madame est servie », je serai plus comblée qu'un chien gavé de sucre qui se chauffe au soleil. »